monde court à sa perte. On est tous acteurs de ses déboires. J'ai peur pour l'avenir, donc je pense à boire. Mes pensées affinées me stressent. Affamées de bien-être, de fenêtres à ouvrir pour que s'évane ma détresse. Comment calmer mes ardeurs? Devenir camé ou cramé? J'sais pas, mais j'y pense tous les quarts d'heure. J'suis trop narcissique, je sais. J'oscille entre le bien et le mal pendant 666 cycles classés. D'être classé parmi les vauriens. Le monde court à sa perte, donc avant de crever, il me faudra tout ou rien. Marre de jouer le tout, tout le mouton docile, le bab tout dont tout le monde se fout. Ouais, t'as raison de dire que j'suis fou, c'est ma couverture pour tout défoncer. Tu sois d'accord ou pas, j'ai déjà un pied dans le rap français. Nature de l'erreur, et sache UX, tu me connais. Hey, oh, c'est mon hip hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Oh, c'est mon hip hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être calmé. Oh, c'est mon hip hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Oh, c'est mon hip hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être calmé. Le monde court à sa perte. Ouais, des fois j'y pense seul dans mon appart. J'attends pas qu'on m'apporte le bonheur, l'amour, l'amitié. J'compte vivre et pas qu'à moitié. Sans pitié, révolté comme Tché. Trashé hardcore, parce que du sang t'en veux encore et encore. En désaccord avec les corps à corps. Putain, j'ai que ma Mifa et ma Clica pour partager ça. SM3, JP, Kaiser IK. Le monde court à sa perte, c'est hoche. Tu hoches la tête sur ce son pendant que la fin est proche. Où est l'erreur? La nature a mal fait l'homme, affamé, mal famé. Il a déjà la terre comme royaume. Mais le monde ne suffit plus, car l'univers lui plaît. Mais rappelle-toi les 7 péchés, les 7 poulets. Les 6, 6, 6, 6 plus 1. SM3 pour compléter la cune. Hey, oh, c'est mon hip-hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. C'est mon hip-hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être calmé. Le monde court à sa perte, car il est régi par des putes. Du bis dans la zik et rien dans le fut. Des amis, mais pas des vrais. Des ennemis, les meilleurs, armés de mots durs pour me calmer. J'arrive à souhaiter la mort pour eux. Les fouetter de mon rap, mais ça me rendra pas heureux. J'ai trop de cicatrices, dont celle qui trace ma pensée trash qui attriste. Le monde court à sa perte, et moi avec. Je sais, j'suis confus, mais conçu pour être ferme, certes. Façon, plus je rame dans le son, et plus je me dis que c'est dur de trouver une nouvelle trame de fond. Faire réfléchir, c'est quasi dead. Toi, vas-y, peut-être, mais sache que l'homme n'en fait qu'à sa tête. Hey, oh, c'est mon hip-hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop, j'suis en train de clamer. Certains diront que j'suis fou, bien que j'suis cramé. Hey, oh, c'est mon hip-hop pour les calmer. J'suis loin d'être pur, d'être fou et loin d'être cramé.